roule à 110 km/h et la voiture rouge roule à 90 km/h. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.